Je vais revenir disons, à cette première société dont on parlait tout à l'heure. Et pour ça, je voulais vous parler du chant. Alors moi, j'ai préparé des trucs bien. Je vais vous lire juste ce que j'ai écrit. Le chant, comme dans toute civilisation de l'oralité, c'est-à-dire une civilisation où les transmissions ne se passent pas par le moyen de l'écriture, mais où c'est l'oralité qui sert de vecteur, si on veut, de transmission. Le chant, donc, est le moyen d'expression primordial. Il permet l'expression de la mémoire collective et il est présent, nous disaient les anciens, il est présent à tout moment de la journée. Alors Gilcher, Jean-Michel Gilcher, dont vous connaissez sans doute les travaux, Jean-Michel Gilcher parle souvent de cette présence du chant et Jean-Michel Gilcher affirme qu'autrefois beaucoup de gens, dès le matin, se levaient en chantant. Je pense à une phrase qu'il a, il dit « Une personne qui sort de chez elle tend l'oreille et entend un tel qui est en train de couper son trèfle dans son champ. » Pour Gilcher, le chant est présent à tout moment de la journée. Gilcher cite des voyages qu'il a fait en train sur la petite ligne Guingamp-Carhaix, où il a entendu des gens chanter pendant toute la durée du voyage, c'est-à-dire tout le wagon en train de chanter. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais qui, semble-t-il, fut vraiment réel. Le chant, en outre, a été l'accompagnateur privilégié de la danse pendant des siècles et des siècles. Et ça, on va y revenir après. Alors l'usage, pour les folkloristes, disons, l'usage est de classifier les chants bretons en deux genres. Ça, j'imagine que Gilles vous en a parlé, c'est-à-dire les Gwerzio et les Sonio. Donc, je ne vais pas trop insister là-dedans. La classification, vous le savez, la classification qui préside ici n'est pas musicale, mais est d'ordre poétique. C'est-à-dire la Gwerz, c'est l'histoire tragique, c'est le récit épique, le récit fantastique, et la Saône, pluriel Saône, c'est le récit plus, disons, plus élégiaque, plus poétique, c'est la chanson d'amour, c'est la chanson de soldat. Oui, ça, c'est la Saône qui s'oppose à la Gwerz, qui, elle, présente des sujets sérieux. Tu as parlé de tout ça, Gilles. Est-ce que tu as parlé de l'étymologie de la Gwerz? J'aime bien, moi, ça. On va en parler rapidement. Le mot breton Gwerz vient du latin versus. Versus, c'est le verset d'un psaume dans la Bible. Alors, ici, je pense, enfin, j'imagine, en Pays Bigoudin, quand on parle de Gwerz, alors peut-être que je vais dire une énormité, mais on va me corriger, quand on parle de Gwerz, en général, on ne parle pas de cantique. Oui ou non ? C'est vrai. Alors qu'en Vannetais, chez nous, une Gwerz, c'est un cantique, avant tout. Quand je parle de cantique, c'est pas n'importe quel cantique, c'est pas un cantique sulpicien de la fin du 19e siècle, non. Une Gwerz, ça va être le cantique de Saint-Laurent, par exemple. Gwerzen San Laurens, qui raconte la vie de Saint-Laurent. Hein, une Gwerz, c'est la vie d'un saint. D'accord ? Je vous propose d'écouter quelques exemples de Gwerz. En voilà une, ça c'est le tube de la Gwerz, c'est la Gwerz de Skolvang. Alors ça, c'était enregistré en 1959, hein, auprès de Madame Bertrand de l'Aniscat, dans les Côtes d'Armor. Hop, voilà, je m'arrête là. Alors, l'histoire, donc, on commence par Skolvand, évêque de Léon. Bon, ça, c'est une interprétation qu'on a, la chanteuse. On n'est pas dans la géographie d'un saint. On n'est pas du tout dans la description de la vie d'un saint, mais on est dans une chanson, une chanson qui fait de larges références au surnaturel. Quoi, vous voyez, c'est une chanson vraiment fantastique. Quoi. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la Gwerz de Skolvand. Donatien Laurent a écrit autour d'elle un très gros article, un article extrêmement intéressant, faisant référence au mythe de Merlin en même temps. On est dans une chanson très ancienne, puisqu'on en trouve une transcription dans un manuscrit gallois du 9e siècle, si je ne m'abuse, hein, sauf erreur de ma part, 9e ou 10e siècle. Donc on est dans quelque chose de vraiment de sérieux, qu'on n'essaie pas du tout de la sonne. Alors un chercheur qui s'appelle François Picard voit dans cette interprétation qu'on vient d'entendre, je parle de la musique maintenant, il voit là-dedans pratiquement une copie du plein chant grégorien, du premier mode du plein chant grégorien. Mettez des paroles en latin là-dessus, laude, enfin je ne vais pas vous le faire, mais... C'est vrai que c'est tout à fait tentant, quoi, c'est tout à fait tentant comme source, on va dire. Mais n'allons pas croire que Madame Bertrand, qu'on vient d'entendre, s'est amusée à placer une poésie en breton sur un chant d'église. Pas du tout, ça remonte bien au-delà, quoi. Là, ça a peut-être été façonné à partir d'une mélodie du plein chant, mais on est vraiment dans le peut-être. Une deuxième Guerz, alors là on est dans le fantastique, je vous vois maintenant une deuxième Guerz qui elle est plus d'ordre historique, c'est la Guerz de Poncalec, alors le marquis de Poncalec. Je vais le remettre parce que l'introduction me plaît beaucoup. Alors la dame a dit, on va le réécouter. Voilà. S'il vous plaît, écoutez, je vais vous raconter. Elle n'a pas dit qu'elle allait chanter, elle dit qu'elle allait raconter la vie du marquis de Poncalec, qui a été décapité à cause de parce qu'il avait comploté. J'interromps, alors c'est Véronique Brousseau de Langonnette qui chante ça. Alors je l'interromps parce que la mélodie dure 16 minutes. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de la Guerz, c'est que bien souvent, l'histoire est longue, quoi. Bon, je me permets d'ailleurs au passage de souligner que ces chanteurs avaient une mémoire folle, quoi. Se rappeler des chansons comme ça de 80, 90 couplets et d'en avoir plusieurs à son répertoire, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire, quoi. Alors, une autre Guerz qui... Ben, pas de commentaire, on le fera après. C'est Emmanuel Kerjean et Éric Marchand, les chanteurs. C'était enregistré en 89, je crois. Voilà, je me permets d'arrêter. Alors là, pourquoi ai-je choisi cet enregistrement? C'est parce qu'on est dans de la musique de danse. Et tout simplement, ça me permet de dire que la Guerz n'est pas forcément une mélodie chantée sur un air triste. Ça peut servir également d'accompagnement de la danse, quoi. Alors là, la Guerz en question, c'est à Vergelen, qui se trouve dans le Barzazbraiz. Vous connaissez tous le Barzazbraiz, j'imagine que Gilles vous en a parlé, oui, non, un mot. Donc le Barzazbraiz recueil de chants bretons édité en 1839. Cette gouverse est sous le titre, le titre français, je m'en rappelle, plus le titre breton, Le Retour du Croisé. C'est comment? Dis-je trop? Ouais, d'histoire à Roisour, je pense. Donc voilà, c'est une gouerse qu'on retrouve dans le Barzazouaise. Donc on a eu jusqu'ici. Alors, une gouerse historique, semble-t-il, puisqu'elle fait référence aux croisades. Et dernière gouerse, alors celle-là m'intéresse aussi, gouerse historique, fait divers, si on veut, qui a été particulièrement étudiée par Donatien Laurent, c'est la gouerse de Louis le Ravalec, alors qui est dans le Barzazouaise également, sous le titre français Le Pardon du Faouette, Pardon leur Faouette, et qui est connue plus souvent dans le peuple sous le titre Gouerse Louise en Ravaletch, quoi. Dei twigen em lweiz me mignon, lweiz a cerra willek. Na dei twigen em der pardon, san fieger fawet. Na de san fieger fawet, gen oar minen dain tchet. Disul an ped ober me fast, bar i bor langonet. Disul on peut ouvrir me face bari borlangonet a peu ouillé me zad me mam sur even scandale. Hop, je m'arrête là. Donc là, vous venez d'entendre, c'est un chanteur plus moderne, disons, que sauf Manuel Kerjean et Eric Marchand. Enfin, c'est un chanteur plus moderne que nos premiers exemples, c'est Loïs Le Braz de Beau qui chante cette version-là. Alors ça a dû être enregistré en 2010 ou quelque chose comme ça. Alors cette gouerse de Loïs Le Ravalec, elle est toujours relativement vivante. Je veux dire, les personnes, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne de 60 ans qui la connaissait, quoi, qui l'avait pas apprise dans un livre ou sur un disque, qui la connaissait de tradition familiale, quoi. Donc j'ai fait grossièrement, voici quel est le domaine de la gouerse. Si vous voulez en savoir plus, il y a plein de lectures pour cela. Il y a bien sûr la lecture du Barzazouaise, mais aussi la lecture d'un livre qui est sorti l'année dernière d'Eva Guillorel, qui s'appelle La Complainte et la Plainte. Un livre où l'auteur fait un rapprochement entre la gouerse et le fait divers, quasiment. Puisque la gouerse peut raconter des histoires tragiques, fantastiques, mais aussi et surtout peut-être sert à donner des informations sur des faits divers tragiques. C'est le cas de celle qu'on vient d'entendre, puisque Louis le Ravalec avait été tué après un pardon, et que pour des raisons diverses, on n'a pas trouvé l'assassin. Et là, pour la petite histoire, l'enquête a été résolue en 1967, je crois, par Donatien Laurent, qui a trouvé en fait toute la clé de l'affaire à travers la chanson. Et comme quoi, la gouerse est quand même un super support, si je puis me permettre. Voilà pour la gouerse. Je passe au deuxième genre poétique, et après on rentrera plus dans des fonctions musicales. Le deuxième genre poétique, c'est les sons new, les chansons plus de divertissement, les chansons plus gaies, on va dire. Alors, première que je voudrais vous faire entendre, j'adore, ça vient de chez moi d'ailleurs, ça, c'est Deuil d'heure filage, c'est-à-dire Venez à la veillée. Deuil d'heure filage, me veulent brasse la la, Deuil d'heure filage, me veulent brasse. Deuil d'heure filage, me veulent brasse la la, Deiter filage te drume l'air, Deiter velette fanchon frappé. Deiter filage te drume l'air, Deiter velette fanchon frappé. Il drume l'air à Paris, wam la la, il drume l'air à Paris, wa. Il drume l'air à Paris, wam la la, il drume l'air. Tremeler à Paris, van. Bonjour à bonsoir, la reine. Il tremeler à Paris, bonjour à bonsoir, la reine. Bonjour à bonsoir, la reine, la bonjour à bonsoir, la reine. Bonjour à bonsoir, la reine, la la. Bonsoir, la reine, mène ma wine, merci, German. Bonjour, à bonsoir, la reine, mène ma wine, merci, German. Voilà, la problématique de la chanson vient d'être dite. C'est bonjour et bonsoir, disons-nous. En fait, il veut savoir, est-ce qu'il y a des filles dans cette maison, quoi. Donc là, on n'est pas du tout dans le tragique. Vraiment, c'est allons au filage. C'est pour rencontrer des jeunes femmes. Juste un petit détail musical. Ça, c'est une chose qui... Moi, je ne suis pas originaire du pays pour l'être, comme ces chanteurs. Moi, je suis originaire du pays gallo, de la côte nord, quoi. Et quand je me suis installé dans ce pays-là, il y a pas mal de temps déjà, j'ai été surpris d'une chose qu'on entend encore là. Si jamais on essaie de marquer la pulsation de cette chanson. Oui, c'est complètement irrégulier. On n'est pas du tout dans du pam, pam. Non, ça bouge tout le temps. Et il y a un chœur. Et ça, c'est un truc qui m'avait épaté. On peut encore l'entendre, ça. J'avais joué, je me rappelle, un repas du troisième âge, quoi. Il y avait 50 personnes dans la pièce qui chantaient une chanson d'une hyper complexité rythmique, comme ça, tout avec un bel ensemble. Ça m'avait frappé. Ça, c'est une marque du Vintet, quoi. J'imagine qu'ailleurs, il y a d'autres choses très bien. Mais néanmoins, en Vintet, ces rythmiques irrégulières reprises en chœur, c'est quelque chose de remarquable. Deuxième saune. Là, on est à Plozévette, quand même. Enregistrement de Donna Saint-Laurent. Hein. C'est pas régulier non plus rythmiquement. Il n'y a pas qu'en 20. Mais il n'y a pas de cœur. O mio, chi merma fugelle, ni sper munda burben. Mi aricun va maestriti da zizet al durisi, a zizet al durisi. A me gove ne igual janschen, ne gove vei drugliver. A me gove ne igual janschen, ne gove vei drugliver. Voilà, alors donc une chanson d'amour, quoi, toute simple, qui illustre toujours cette définition de la saune. Dernier exemple de Sonyou que je voudrais vous faire entendre. Là, elle n'est pas extraordinaire spécialement, ma Sonyou, mais elle me plaît bien parce que c'est le compositeur qui la chante. Donc, Jules Goudivez, je ne sais plus où il est Jules Goudivez, il doit être du côté de Mellerand, donc dans le Morbihan. Jules Goudivez qui nous chante une de ses compositions. Je sais pas, vous comprenez quand c'est en Vintel, les bretonnants, ce qui se dit là ? C'est facile pourtant, je comprends pas. Hein. Parce que la dame avant, heureusement que Gilles a fait son bouquin, parce que sinon j'aurais pas compris. Quoi. Alors maintenant, donc du Vintel. Ne déchemi moyen de vivre à maison, ne déchemi moyen de vivre à maison. Il n'y a plus moyen de vivre à la campagne. Ne déchemi moyen de vivre à maison, peine brasse de largue tout farisénaux. Mes œuvres et mille navantes, non attribue gen, mes œuvres et mille navantes, non attribue gen. Mes œuvres mille navantes, non attribue gen, c'est des choses d'omni, de gommage nous y ven. C'est sur les révoltes paysannes de 61. Adoire Finistère, à Zenoué, commence, Adoire Finistère, à Zenoué, commence. Sur la terre de Finistère, il était commencé, quoi. Adoire Finistère, à Zenoué, commence, Gourvé, Négaléon, ou de Wibesheren. Nade prison bras de Valais, Mambe Cassen, Nade prison bras de Valais, Mambe Cassen, Nade prison bras de Valais, Mambe Cassen, Nade prison bras de Valais, Mambe Cassen, Paysante de Brésil, de Ouidji Divénen. Voilà, donc vous voyez une chanson d'actualité en 1961, chantée par son auteur. Donc c'est les grandes révoltes, c'est sur la grande manifestation qu'il y avait eu à Pontivy en 61, quoi, donc au sujet de. Enfin, sur les problèmes agricoles de l'époque. J'allais dire quelque chose et ça m'est sorti de l'esprit. Si, ce qui est intéressant dans cette mélodie pour les bretonnants que vous êtes de Cornouailles, c'est que vous avez peut-être remarqué, chaque vers est répété trois fois. Ça permet de se faire une idée. Et c'est aussi une des caractéristiques de la poésie chantée vantaise. Très souvent, on a cela dans les chansons vantaises, cette première phrase, cette première mesure répétée trois fois.